Chers amis, bonsoir. Comprenez-moi, c'est l'émotion. Et Nono, c'est moi. Et mon président, il m'a chanté. Et toutes ces émotions-là, ça me prend de la tête, du corps aux pieds. Comprenez-moi, mes émotions. Eh, hey, Nono, eh. Hey. La chanson lui a été dédicacée. Chers amis, juste un grand bravo à cet orchestre, niveau du moment et il les mérite. Merci. La chanson que nous allons interpréter maintenant, c'est la chanson que notre grand a chanté avec un grand musicien congolais qui n'est plus de ce monde. L'éléphant de la musique congolaise, Pépé Kalé. Et puis, on va...